piano, mon pote. Ha. Yeah. Wesh l'équipe, yo. Wesh l'équipe, là ce soir je m'amuse, je vais dire des trucs qui touchent. J'suis dans mon monde, j'suis dans mon élément, j'vais pas mâcher mes mots. J'tourne en voiture, c'est moi qui pilote, c'est moi qui écris mes textes sur le boss. J'camberge à ceux qui pour des sous, ça me fait passer les menottes. Ce que j'dis, je le fais, ce que j'fais, je le dis pas. Besoin des gars à la base, à la maison, y'avait moi, mon frère et ma mère. Je vois plus trop, je suis dans l'Audi RS. Avec ma chapka, il me reste un point, alors je la lève quand je vois les CRS. Ce que j'ai vécu, c'est une série. Pas un rêvé d'un série 1, jouer en série A, j'ai tout arrêté en me disant c'est rien. T'aimes quand je parle cru, que je les insulte, tous ces bâtards. T'aimes quand je parle cru, que je dédicace tous mes frères au placard. Y'a plus de claques, demande à manier le coq. La gratte, ça fait des claques, pas de coque. Plutôt du genre à mettre de la beuh dans le cake. Je suis dans le tourbus, je danse quand mon tour passe. Le chauffeur il sert, qu'on soit 10 ou plus, je reste à ma place. Je bois ma belvédère, ma vie c'est quoi? On la bas c'est la rue, mais faut plus trop que j'y traîne. On me dit j'ai fait des sous et que c'est dur les gens pour qu'ils comprennent. Je reviens de loin, le collège pressiné. Les freestyles entre frères t'hallucinaient, personne nous connaissait. Mais un jour la chance m'a souri, je rappais dans ma chambre. À dire que maintenant ça chante mes refrains dans la France. Et tous les rappeurs chez moi avec qui j'ai fait des feats. Et même ceux que j'ai pas fait, mais je vous souhaite la réussite. Je suis dans Mandel et bébé, je peux mettre le plein à bébé. Tu peux me voir dans un parking ou en train de freestyler à bébé. Fais pas le débile ou je déboule, tu vas devenir tout pâle. Je te parle de ce que je vis, c'est réel, toi tu te prends pour tout pâle. Je suis dans le game en caquette, gros pète, peau de compète. Je pète pas plus haut que mon cul, sur mes épaules, garde ma tête. Va t'en falloir pour m'atteindre, m'éteindre, je mets en même en Inde. Je suis blindé, j'ai du décathlon et je reste en Inde. Qui veut tester la bête, je viens du béton, crois pas que je suis bête. Mes deux bras, mes deux jambes, mes deux couilles, mes potes et mon pète. Au fait, à skip l'année prochaine, je grimpe de deux étages. J'espère que j'ai toujours la dalle, je vais prendre le game en otage. Capuché à l'hôtel, ça va vite les caméras. Je suis en mode sangotène, j'invoque des gros caméas. Je suis loin des gens qui, je suis loin des gens qui, je suis loin des gens qui profitent parce que je suis gentil. Et je l'avais senti, j'étais pas le Sancho. La tête en chantier, je me sens pas le sang, ciao. Je bois mon coca chéri, j'envoie un message à ma chérie. Je protège l'équipe comme ma chérie, nos potos m'envoient ma chérie. Pourquoi le petit devant les gens, tu le frappes, tu le gueules. Et quand tu vois des costauds, tu parles pas, tu fermes ta gueule. Trop t'as peur de cesser, trop de choups donnent leur fessier pour percer. C'est même prêt à dévoiler des dossiers. Je rappe comme Biggie, je te parle comme Tony, je te boxe comme Mali. Ouais, ouais, ouais, je te branche comme Mani, je te braque comme Samy dans la mentale. Et quand l'équipe ils me suivent, j'ai la pile, donc je tourne à la prochaine. Ils m'arrêtent, ils me jazz. Toi le rappeur avec ta clique sur la pochette. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, oh, t'es un culot. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, oh, t'es un culot. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, oh, t'es un culot. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, oh, t'es un culot. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens parleront toujours. Si t'aimes, ils t'écoutent. Si t'aimes pas, ils feront les sourds. Ouais, gros, c'est abusé. J'envoque des fusées. M'en fous si des fois à la télé, je suis pas diffusé. Vous soyez 20 ou 100, vous pouvez venir. Moi, j'ai la haine comme Cassel Vincent. Je fais que des tubes comme Francky Vincent. En stock sur PP, j'ai plein de sons. Ouais, ouais, ouais. C'est pas des lol, lol. C'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, lol. C'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, lol. C'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, lol. C'est pas des lol. Yeah.